Toujours à l'occasion du jour du décès du président Kim Il-sung, les personnalités des gouvernements, des partis politiques et des formations népalais, bangladais, britanniques, allemands et ougandais ont visité les représentations coréennes dans leur pays. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste, vice-président et ministre du bien-être des femmes, des enfants et de la société, ainsi que d'autres personnalités de différents milieux ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire et le portrait en pied du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour formuler leur hommage sublime. Le co-administrateur général du conseil du fonds Kim Il-sung Kim Jong-il, le président directeur général de la compagnie à responsabilité limitée du tourisme Jilny de Hong Kong de Chine, le secrétaire général du comité du fonds d'énergie Tionghoa et le président du groupe Empire ont fait parvenir les corbeilles de fleurs à la représentation coréenne. Par ailleurs, toujours à la même occasion, les meetings de souvenirs, séminaires, expositions de photos et de livres et séances de films ont eu lieu aux ambassades coréennes au Cambodge, en Inde et en Guinée équatoriale.